Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. 15e mécanique. Bonjour et bienvenue dans la mécanique des ondes. Trois quarts d'heure pour parler carrière radiophonique avec ceux qui sont devant et derrière le micro. Bien sûr, je reçois aujourd'hui la voix de la nuit, Georges Lang, animateur de la nuit sur RTL. On le retrouve aux commandes des nocturnes de la collection Georges Lang et de WRTL Country. Bonjour Georges Lang. Bonjour, j'avais l'habitude de dire bonsoir, mais là c'est bonjour. Eh bien oui, justement, alors j'ai toujours ma première question habituelle, mais là j'ai envie de savoir si ça vous fait pas bizarre d'être à l'antenne en pleine journée. Non, parce que je l'ai fait. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Au début de ma carrière, j'ai travaillé quand même dans une autre radio qu'RTL. Je travaillais dans l'Est de la France, et là c'était en journée. Et puis à RTL, dans les années 80, je faisais la session de 14h à 18h, qui s'appelait WRTL. Et là donc, je pouvais voir le soleil. Alors justement, ma première question, c'est, vous êtes au micro d'une radio associative, et j'ai envie de savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Oui et non, parce que eu égard à mon âge, il n'y avait pas de petite radio à l'époque. Donc quand on voulait faire ce genre de métier, il fallait aller soit sur RMC, soit sur Europe 1, soit sur Paris Inter, ça s'appelait même pas encore France Inter, ou bien encore RTL qui était Radio Luxembourg. Et moi j'avais trouvé le biais, j'avais été, puisque j'étais originaire de Lorraine, voir la directrice des programmes d'une radio qui s'appelait France Inter Lorraine Champagne Ardennes, c'était à Nancy. C'était une petite radio, mais ce n'était pas une radio associative, ce qui veut dire qu'il y avait du matériel, c'était déjà très organisé, donc je n'ai pas connu les radios associatives. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à cette radio? Alors, je revenais d'un très long périple au Moyen-Orient. Je devais avoir 20 ans à peu près. Voilà. D'accord. Est-ce que la radio, ça a toujours été une envie, une passion? Ça a toujours été un but? Je dirais oui, sans hésiter, parce que j'ai le souvenir d'avoir dit à un de mes collègues, à un de mes camarades de classe, en revenant du lycée, c'était à Metz, moi j'étais dans cette ville, ville de garnison, on en parlera certainement plus tard, pourquoi j'ai dit ça, nos chemins séparés à un moment donné, lui il allait vers Montigny-les-Metz, moi j'allais vers le quartier de la gare de Metz, et on discutait toujours avant de se dire au revoir, et je lui dis, tu sais, un jour je ferai de la radio, mais dans une grande radio. Tu verras, je ferai une émission de nuit. Il m'a regardé, il m'a dit, il s'est dit, il est fou le gars. Et ben voilà, je l'ai fait. Donc j'avais cette envie, cette passion, cette vocation cachée, quoi, de faire ça. D'accord. Et parce que vous étiez un simple auditeur et vous aimiez ça et vous aviez envie d'en faire part? Oui, j'ai trouvé que la radio de nuit était une radio un peu magique parce qu'on était seul dans sa chambre de lycéen, de collégien. Avec un transistor, c'était le début des transistors, et on entendait une voix qui venait d'ailleurs, et moi ça me faisait rêver. J'écoutais des émissions de nuit, qui étaient celles d'Europe 1, pour ceux qui aiment le jazz, et j'avais envie d'être Franck Thénault, l'animateur de cette émission. Vous étiez déjà insomniaque à l'époque? Non, c'était à 23h, donc ça va, quand mon père arrivait dans la chambre en hurlant « Tais-toi, discute pas, éteins cette radio et pense à tes études », j'obtempérais, j'avais pas le choix, mais j'avais déjà gagné une heure à écouter la musique. Alors justement, vous parlez d'études, est-ce que le fait de faire de la radio décide de vos études? Ben non, parce que moi j'avais vraiment envie de faire ça et qu'il n'y avait pas d'école de radio à l'époque. Donc moi j'écoutais, je prenais des notes, je faisais des programmes pour moi, pour une radio que j'imaginais lorsque je roulais en voiture avec mes parents, je voyais une petite maison qui me plaisait, je disais tiens, ça serait idéal pour abriter une station de radio. Je pensais toujours radio. Et puis, j'ai donc un jour, comme je vous l'ai dit avant, été voir la direction des programmes à Nancy, et puis là, on m'a confié une petite émission de rock, et ça a changé ma vie. Alors, juste avant, justement, cette expérience à Nancy, vous revenez d'une expérience à Radio Beyrouth au Liban. Exactement. J'ai voyagé avec 5 copains, on avait fait un voyage au Moyen-Orient et je suis resté assez longtemps dans des villes comme Beyrouth. Et on était sponsorisé par, ça s'appelait pas Radio France à l'époque, ça s'appelait l'ORTF. Et on avait le droit d'aller dans chaque grande ville du bassin méditerranéen rendre visite aux radios. Et là, à Beyrouth, je suis tombé sur des jeunes de mon âge, qui avaient 19, 20 ans, qui étaient extrêmement sympathiques, et j'ai commencé à goûter à cette radio qui était en pleine période trouble, hein. C'était au lendemain de la guerre du Sinaï, et puis après, de fil en aiguille, en restant à Beyrouth, j'ai commencé à balbutier quelques mots au micro, et notamment Radio Liban, mais c'était vraiment de tout début timide, hein. On peut pas vraiment dire que j'avais une émission de radio à moi, mais j'ai commencé comme ça. Oui. Alors, à France Inter-Lorraine, à Nancy, vous y restez combien de temps et qu'est-ce que vous y faites finalement? Alors, je produis une émission de rock qui a lieu tous les dimanches à 13h, qui n'est pas du tout écoutée, parce que personne ne connaît la radio. Mais moi, ça me suffisait parce que je faisais mes armes, j'apprenais le métier que je voulais faire plus tard. Pendant ce temps-là, je regardais ce qui se passait du côté d'Europe 1 et d'RTL. J'avais très envie d'aller frapper à leur porte, mais je me sentais pas encore prêt. Et puis, Coudou et Garetto de FIP à Paris, France Inter Paris, ont décidé d'installer des radios locales, des petites sœurs de FIP. Et c'est comme ça que j'ai installé France Inter Lorraine, FIL, et France Inter Reims, F-I-R, FIR. Et c'est de... Tout le temps que je passais à regarder les autres travailler, je me disais, mais je vais partir un jour, je vais pas rester à Nancy, c'est l'enfer, la province, j'ai envie de m'adresser au plus grand nombre. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé au 22 de la rue Bayard, qui était en plein travaux. C'était la fin de Radio Luxembourg, les débuts de RTL. Et Roger Crécher, qui est directeur des programmes de cette, qui était directeur des programmes de cette radio, m'a dit, mais c'est génial ce que vous voulez faire, mais, vous me dites que vous voulez faire de la radio de nuit, mais moi j'ai quelqu'un la nuit. En plus, c'est à Luxembourg, c'est pas ici, parce qu'on a un cahier des charges interne qui stipule que 40 heures de programme de RTL doivent partir du Grand-Duché de Luxembourg, car nous sommes RTL, c'est-à-dire Radio Télé Luxembourg. Et c'est comme ça que si vous voulez faire la nuit, il faut partir à Luxembourg. Il n'y a pas question que je reste à Paris. Moi, je vais tout de suite à Luxembourg s'il faut, parce que je veux faire cette émission. Et surtout, c'est pas très loin de Metz. Et non, ouais, si, mais enfin, j'étais déjà plus vraiment dans la région, là. Mais ça ne me gênait pas de retourner dans les brumes du Nord-Est. Mais il m'a dit, il y a quelqu'un sur place, et je peux pas le virer pour vous faire plaisir. J'ai dit, j'attendrai. Et puis, quelques mois après, on a fait appel à moi, et je suis parti. Alors, vous animez donc depuis la Villa Louvigny à Luxembourg, donc entre 71 et 90. Peut-être, vous savez ça mieux que moi. Moi, j'ai pas le souvenir des dates. C'était en 71. Novembre 71, j'ai fait un essai. Et 90, vous dites? Oui. Non, c'est faux. D'accord. 2000. Alors, vous commencez... Ah oui, la Villa Louvigny, d'accord. Voilà, en 90, on a déménagé, voilà. Et vous commencez d'ores et déjà à animer les Nocturnes. Oui, avec Bernard Chu, qui était l'animateur un peu vedette de l'époque. On a monté ça, on a décidé que la nuit serait très musicale et très anglo-saxonne, au grand dam du patron de l'époque, Jean Farran, qui ne voulait pas qu'il y ait une bande d'allumés qui fassent ce qu'ils veulent à Luxembourg. Et puis finalement, tout s'est bien arrangé, on l'a fait quand même. Alors, au début, elle dure toujours 3 heures, hein, cette émission. Mmh. Vous passez des disques, vous faites des interviews. Comment vous l'arrangez, cette émission? Au départ, on ne passe que des disques. On est à l'école des animateurs anglais qui sont dans le même bâtiment. Radio Luxembourg anglais s'appelle à l'époque 208, du nom de leur longueur d'onde sur les ondes moyennes, 208, donc 208, c'est comme ça qu'on disait en anglais. Et on les regarde faire. Et on se dit que ces gens-là qui viennent des radios pirates, ils ont la science infuse avec un micro et 2 platines de disques qui révolutionnent la radio. Ce sont vraiment des DJs, comme on a l'habitude de les appeler. Et nous, on les regarde, on est fous dingues, on voudrait faire comme eux, mais malheureusement, on a la barrière de la langue. Ce qui fait que on peut pas faire la même chose vraiment en français. Donc on adapte, on va les voir, on discute, et de près des jingles. Et c'est comme ça que 42 ans après, j'utilise encore les jingles de Radio Luxembourg anglais, le Power Play ou les George Lang, qui ont été faits par ces animateurs à l'époque, qui venaient des radios pirates. Ce sont des souvenirs de Luxembourg de l'époque où on ne faisait rien d'autre que passer de la musique, mais pas n'importe quelle musique, on la choisissait. Donc, entre les jingles et la musique, vous avez des liens avec la culture anglo-saxonne qui sont indéniables. Pas du tout. Moi, j'aime ça. Donc, je lis la presse. À l'époque, il n'y avait pas Internet. J'achète le Melody Maker. J'achète tous les journaux qui parlent de musique. Je me renseigne. Et puis, je discute beaucoup avec les Anglais qui sont à Luxembourg. Les Anglais et les Américains. Parce qu'il y a quand même quelques Américains. Et ça me suffit pour parfaire ma culture. Et donc, vous n'avez pas envie d'aller aux États-Unis pour voir comment on fait de la radio là-bas? Si, bien sûr. Mais attendez. À l'époque, aller aux États-Unis, c'était un peu comme aller sur la Lune. D'abord, fallait avoir de l'argent. Ensuite, fallait savoir où on allait. C'était vraiment l'inconnu. Et je l'ai fait, j'ai sauté le pont en 1973. C'est-à-dire que je suis parti là-bas une première fois pour me rendre compte de l'étendue du pays et de la saveur de la radio. Et je suis revenu complètement enthousiasmé. Et c'est comme ça que j'y suis retourné régulièrement, 2, 3, 4, 5 fois par an pour assouvir ma passion. Puis c'est obligatoire quand même pour aller voir vraiment en vrai les artistes et les choses comme ça et les disquaires là-bas et de se tenir au courant. Ouais, mais ne serait-ce que pour voyager et écouter la radio, tout simplement. Moi, ça me suffit. Hein. J'ai pas besoin d'aller voir les DJ ou les artistes. Par la suite, ça viendra, ça, quand j'aurai un peu assis ma notoriété en Europe. Alors, c'est le moment, Georges Lang, de la première pause musicale. Je ne sais pas du tout ce que vous avez choisi. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi en premier? Alors, j'ai choisi un 45 tours vinyle. Le premier que j'ai acheté, c'était le 4 juillet 1962. Je le conserve jalousement. Là, je vous ai pas apporté le vinyle, je vous ai apporté une copie CD. C'est le premier disque que j'ai découvert de cet univers rock américain, c'est Ray Charles avec Unchain My Heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't care about me. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me no more. Some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart. Why lead me through a life of misery when you don't care about a beat for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. Under your spell, like a man in a trance, wow, you know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you bury me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care about the beat for me? So unchain my heart, please, please set me free. Please set me free. Oh, won't you set me free? Please set me free. Whoa, set me free. Please set me free. Wow, set me free. L'éternel Ray Charles avec Unchain My Heart, c'est le premier choix de Georges Lang, toujours dans la mécanique des ondes et toujours sur Fréquence Protestante. Georges Lang, le 1er mars 1987, à 11h15, très exactement, vous ouvrez l'antenne de la chaîne de télévision M6 pour donc l'émission de présentation de la nouvelle chaîne consacrée à la musique. Alors, j'ai envie de savoir si c'est la seule fois où vous avez fait de la télévision, si ça vous a peut-être tenté à un moment de quitter la radio et de faire un peu plus de télévision. Non, loin de là. Quand j'ai démarré cette émission sur M6, je sortais d'une grande expérience télévision à Luxembourg, puisque le T de RTL, ça veut dire télévision. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans là-bas, parce que je m'ennuyais un petit peu dans la journée. Et donc j'avais décidé de déposer un projet qui avait été accepté, qui s'appelait Tune Rock. Tune Rock, la seule émission qui colle aux oreilles d'ailleurs. Et c'est le geste était lié à la parole. Et j'ai donc beaucoup travaillé devant les caméras là-bas. Ensuite, je suis parti à RTL TVI, qui était une extension de RTL Luxembourg, mais à Bruxelles. Et puis j'ai travaillé quand j'étais jeune animateur à Paris de radio pour des émissions sur FR3 comme je sais même plus comment s'appelait l'émission. Enfin bref, j'ai pris la succession de Max Meynier et oui, j'ai fait plein de choses et puis j'ai produit surtout pendant longtemps, mais ça personne ne le sait, je le faisais sous le couvert de l'anonymat, une émission qui s'appelait Bonsoir les clips sur France 2 qui terminait tous les programmes avec des clips vidéo parce que c'était le début des clips et là je me sentais fort, j'étais allé voir Dominique Blanc-Francard et je lui avais dit il faut faire un truc et on avait démarré ça. Donc là la télé je connaissais bien l'outil et c'était pas ma première expérience le 1er mars 87 malheureusement quelques semaines après le début de M6 le directeur des programmes à l'époque Philippe Labro a réuni tous ceux qui travaillaient et à RTL et à M6 et leur a dit ah les gars il faut choisir maintenant c'est RTL ou M6. Et là, j'ai choisi RTL. Oui, voilà. Et on vous proposerait aujourd'hui de la télé, ça vous tenterait ? Est-ce que pour vous, c'est deux mondes différents, la télé et la radio ? Oui, non, c'est fou ce que la télé apporte de notoriété, mais aussi de problèmes, de contraintes. Dès les premières émissions sur M6, je pouvais plus sortir à Paris, tout le monde me reconnaissait. Moi, ça me gênait énormément parce que si je travaille la nuit sur RTL, c'est bien parce que je me sens un petit peu caché en dehors de tout ce système que je ne dénonce pas, hein, mais j'aime travailler dans la première radio de France, la première radio commerciale, j'aime ça. C'est moi qui suis allé leur demander du boulot, ils ne sont pas venus me chercher, donc je ne dénonce pas ce système, mais j'aime bien être un peu sauvage la nuit, comme ça, seul dans mon studio. À passer vos disques. Voilà, à faire ce que je veux, parce que j'ai une liberté totale. Alors, on vous avait laissé justement au Luxembourg. À partir de quelle année vous revenez à Paris, dans les studios de RTL à Paris ? En 2001, parce que à cette époque, vous n'êtes pas sans le savoir, mais il y a eu un souci à RTL. On avait un de nos patrons qui trouvait qu'à partir de 50 ans, on était vieux quand on faisait de l'antenne. Donc, il a viré tous ceux qui avaient un peu plus de 50 ans. Philippe Bouvard, Fabrice, qui faisait une émission de jeu. Et moi. Et on a perdu, enfin RTL, parce que j'y étais plus à l'époque, a perdu 2 millions d'auditeurs en quelques mois. Ce que le journal Le Monde a qualifié d'accident industriel. Après on a essayé de recoller les morceaux. On a rappelé Bouvard, on m'a rappelé aussi, et j'étais très content. Mais il y avait une condition, c'est que je vienne à Paris. Et j'ai toujours pas compris pourquoi. Quand j'ai posé la question, on m'a dit, ça n'a plus de sens que tu sois à Luxembourg. Je dis, ok. Donc je vais venir à Paris et ça n'a rien changé puisque la vision demeure, elle continue telle qu'elle a été pensée et imaginée à Luxembourg. Mais je dois dire que si je n'avais pas démarré cette émission au Grand-Duché, dans ce petit pays très vert où on a une autre façon de vivre, j'aurais peut-être pas aussi bien peaufiné cette émission, son côté chaleureux, intime, que je lui ai conservé jusqu'à maintenant. Enfin, j'espère en tout cas. Bien sûr, vous avez réussi. Oui, ça a été difficile de garder ce côté intimiste quand vous êtes arrivé au studio Paris. Oui, parce que là, au 22 de la rue Bayard, c'est une fourmilière. Il y a du monde en permanence, même la nuit. Hein. Si un artiste m'entend dans sa voiture, il peut venir me voir. De dire que ça me perturbe un peu. Je suis un peu sauvage. J'aime bien être seul, tranquille, imaginer mes auditeurs. Non pas que je refuse qu'on vienne me voir, mais dans l'ensemble, j'aime bien être seul. Alors bien sûr, vous allez fêter très très bientôt encore un anniversaire des Nocturnes. Ah non, je l'ai fêté. Vous l'avez fêté, donc c'est en mai, hein, c'est ça. 22 mai. D'accord, ouais. 42 ans. Mais vous n'avez pas fait que les Nocturnes. D'ailleurs, vous ne faites pas que les Nocturnes. Donc sur RTL, vous faites donc la collection RTL, WRTL Country. Donc vous avez pu proposer à la direction d'autres concepts d'émissions finalement. En fait, oui et non. pour la collection, par exemple, prenons cet exemple-là, le directeur de l'époque m'avait convoqué, m'avait dit, tu sais, tu vas commencer à 23h maintenant. C'était un fou de musique, c'était Axel Duroux. Il aimait ça, je lui dis, ah, c'est génial, les nocturnes vont commencer à 23h. Il me dit, non, les nocturnes à minuit. Mais de 23h à minuit, tu vas faire autre chose. Et là, j'étais pas vraiment d'accord, parce que je pensais que c'était un peu trop formaté, que ça pouvait s'apparenter à des émissions de la FM. Et j'ai dit, non, c'est pas mon truc, je le ferai pas. Et puis il m'a convaincu, il m'a dit, ça va s'appeler la collection Georges Lang. Alors j'ai dit, alors je vais passer ce que je veux. Ah ben non. Ah ben si, ça s'appelle la collection Georges Lang, ce sont mes goûts. Ce ne sont pas les goûts d'un programmateur. Et puis, de fil en aiguille, on est tombé d'accord et je l'ai fait. Et je dois dire que c'est peut-être l'un des points forts maintenant de ma carrière, que de pouvoir m'adresser à 23h à des gens qui n'aiment pas la musique, plus que cela, qui l'affectionnent, mais qui ne connaissent rien à la musique, et qui m'écoutent en grand nombre, parce que c'est avant minuit. Il y a cette fameuse barrière de minuit. Les gens disent, ouais, allez, je vais rester debout jusqu'à minuit, mais à minuit, j'éteins tout, la lumière et la radio. Bah, j'aurais gagné déjà tous ceux qui m'ont écouté avant minuit avec cette émission. Alors, justement, on va parler de ceux qui écoutent. Juste après votre seconde pause musicale, qu'est-ce que vous avez choisi pour la seconde pause? Alors, la seconde pause musicale, je vais peut-être choisir Bess Hart, qui est une jeune femme américaine que j'ai beaucoup aidée dans son assise ici à Paris, parce que quand elle est arrivée, personne ne la connaissait, et à force de la passer, je crois que du bouche à oreille, elle est devenue quelqu'un de très important, et chaque fois qu'elle vient à l'Olympia, elle vient une fois par an, elle remplit l'Olympia, c'est sold out, elle fait des tournées, elle fait les festivals. J'adore cette jeune femme, elle est d'origine californienne, elle me plaît beaucoup, elle a eu un passé un peu compliqué, où elle était junkie, accro à beaucoup de choses qui l'aurait peut-être amené au pire s'il avait continué. Heureusement, elle est tombée sur un homme qui l'a sorti de cela, et depuis qu'elle a rencontré Scott, parce que ce sont devenus des amis maintenant, tout va bien pour elle. Et là, on va écouter un extrait de son album, qui a été enregistré peu de temps après qu'elle ait chanté devant le président Barack Obama à Washington dans le cadre des Kennedy Honors. C'est une cérémonie qui a lieu tous les hivers et qui récompense les gens les plus talentueux, mais pas seulement dans le domaine de la musique. Il y avait David Letterman aussi, il y a des cuisiniers. Pour la musique, c'était Led Zeppelin et Buddy Guy ce jour-là. Et elle, pour rendre hommage à Buddy Guy, elle a chanté devant Obama une chanson que j'adore, une chanson de James, de Etta James. Et le producteur du show l'a remarqué et a dit, mais écoute, c'est fabuleux ce que tu fais, il faudrait que je m'occupe de toi. S'occupe d'elle maintenant, il vient d'enregistrer ce disque avec cette nouvelle équipe à Washington et ça donne ceci. Tell her you're mine. That you have been blind. Tell her it's over. You belong to me. Tell me to come. And like hell, I will run back into your arms. 'Cause you belong to me. There's a river on my skin. There's a dragon in the dark. Nothing scares me more than the silence of your heart. If you wanna hold me, if you wanna know me again, if you wanna love me, then take me home. You belong to me. la radio. Ça m'a toujours impressionné de savoir qu'on peut avoir des auditeurs un peu partout dans le monde, surtout depuis Internet. Je viens de recevoir un mail de quelqu'un qui nous écoute à Nijni Novgorod, en Russie. Et un autre mail de Los Angeles, en Californie. Et nous, on est au milieu, à Paris. Cool, tranquille, en train de proposer ce programme, cette deuxième heure de nocturne. Après les Alabama Shakes avec Gemini sur l'album Sound and Color, c'est maintenant Jonathan Wilson qui se trouve dans les eucalyptus de Echo Park, Los Angeles. Desert Raven. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, merci. Merci de nous écouter. Toujours dans la mécanique des ondes avec Georges Lang, bien sûr, vous venez d'entendre un extrait de votre émission du 1er juin dernier. Ouais, c'est incroyable ça. Et bien oui, parce que ça introduit. C'est doublement magique et la radio. C'est ça, parce que on voit que ben justement les liens avec les auditeurs partout, qui vous écrivent de partout dans le monde, ils sont extrêmement forts. Mm-hmm. Et effectivement, ça rejoint ce que vous disiez par rapport à l'émission La Collection que vous animez entre 23h et minuit. Ben vous essayez de rameuter un petit peu voilà, des auditeurs qui ne connaissent pas forcément la musique. Moi, je crée une atmosphère, une ambiance la nuit, et c'est ça qui me plaît. Et en plus, ils aiment la musique, tant mieux. Mais parce que, vous savez, la nuit, les gens ont un peu peur, les gens se réfugient la nuit. Les gens qui cherchent du travail sont nombreux, vous avez vu, les chiffres sont tombés encore récemment. Ceux-là, ils veulent pas entendre parler de problèmes qui fâchent, donc ils sont là la nuit, ils m'écoutent. Moi, je viens avec une musique qui doit les rassurer. J'ai une copine qui est psychiatre qui me dit, qui m'appelle Prozac. Elle me dit, tu sais, moi quand j'ai un cas un peu compliqué, je conseille à quelqu'un qui me dit qu'il ne peut pas dormir la nuit, je lui conseille de t'écouter. Tu devrais d'ailleurs être remboursé par la sécurité sociale. Faut que j'en parle au patron. Et j'ai l'impression aussi que du coup, bah, vos émissions, elles sont transgénérationnelles. Alors, ça a l'air un petit peu brut comme ça, comme mot, mais ouais. Voilà. Comme vous me disiez tout à l'heure, des fois, bah voilà, il y a des jeunes qui vont vous écouter, qui connaissent pas forcément. Et justement, tous ces retours là, vous discutez avec les auditeurs quand ils vous écrivent un mail, vous leur répondiez. Comment ça se passe? Je réponds pas parce que j'ai pas le temps. Moi, je peux pas être au four et au moulin. Moi, je suis à la console. Contrairement à vous, qui avez un technicien face à vous, moi je suis tout seul. Donc j'ai du mal à manipuler le clavier pour répondre. Mais par contre, je leur réponds musicalement, puisque si on me demande un disque, bah il passe. Hein. Mais je ne fais pas de disque à la demande. Ça, il n'en est pas question. Mais en général, ce sont des gens qui prennent des titres qu'ils ont déjà entendus chez moi et qu'ils veulent réentendre. Donc ça ne me pose aucun problème. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'entre minuit et 3h du matin, l'émission est complètement improvisée. Rien n'est préparé. Je viens avec un environnement de CD autour de moi. J'ai les disques en fichiers qui sont déjà dans le système. Et je manipule tout ça, comme ça, au fil du temps. C'est-à-dire que s'il pleut, la programmation est différente d'une soirée d'hiver. S'il fait très chaud, ben, la programmation va s'en ressentir. J'improvise totalement. C'est le cœur qui parle dans ces cas-là. Il n'y a aucune préparation? Aucune. Quand vous venez en studio avec moi à minuit, je ne sais pas quel va être le premier disque. Je le choisis dans l'instant. D'accord, il vous faut au dernier moment, vous allez dans l'urgence. D'accord, ça c'est extrêmement intéressant ça quand même, Georges-Jean, que je me dis quand même que vous avez tenu donc plus de 40 ans avec une improvisation totale. J'ai envie de dire que c'est une très belle leçon pour tous ceux qui veulent... Mais c'est dangereux aussi. Hein. Oui, mais la radio c'est un peu d'adrénaline. Je l'ai pas dit pendant de nombreuses années, même à mes patrons, et maintenant ben, je m'en fais une force quoi. Oui, c'est un peu d'adrénaline. Mais je travaille comme certains DJ à Los Angeles que je connais bien, comme Jim Ladd par exemple, qui est un animateur que j'adore, qui est une référence pour moi. Et lui, il fait freestyle radio, c'est-à-dire que moi comme lui plutôt, je regarde. C'est pas moi qui vais lui apprendre, c'est lui qui m'aura appris. Je fais exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire que je me lève et je prends un disque et je le mets sur la platine. La mécanique des ondes. Alors, Georges Lang, dans cette émission, il y a une tradition. Les invités posent une question à l'invité suivant. Donc là, c'est Bruno Delport, qui est le directeur d'antenne de Radio Nova, qui vous pose une question. Georges Lang, bonjour. Je vous ai toujours écouté avec énormément de plaisir. J'adorais quand vous disiez Stevie Nicks et Fleetwood Mac à la radio. Et j'ai aucune question intelligente à vous poser, donc je vais vous en poser une autre. Si vous n'aviez pas été Georges Lang, vous auriez préféré être Michel Lang d'À nous les petites anglaises ou Jack Lang d'À nous les petites anglaises aussi, d'ailleurs, peut-être. Elle est sympa la question. Oh, mais moi j'aurais préféré être Michel Lang parce que je suis un artiste, moi. J'aime bien composer, j'aime bien rêver, et Michel Lang me fait rêver au travers de ses films. Par contre, Jack Lang me fait peut-être un peu moins rêver, quoi. Pourtant, il est lorrain comme moi. Il est de Nancy, moi je suis de Metz. Il y a toujours une rivalité entre Metz et Nancy. Oui, j'ai remarqué. C'est régional, mais c'est une rivalité quand même. Georges Lang, le questionnaire rapide avec une première question, spécialement pour vous, évidemment. B.B. King nous a quittés récemment. Est-ce que vous avez un souvenir particulier avec lui? Oui, bien sûr. Le jour où il m'a raconté longuement, mais il le dit dans une chanson de 10 minutes... Donc, il n'y a pas dit qu'à moi pourquoi il avait appelé sa guitare Lucille. Ça a été un grand moment. Et alors, c'est quoi la réponse? J'ai envie de savoir. La réponse, c'est qu'il jouait dans un petit club qui s'appelait The Twist. Je crois que c'était en Arkansas ou dans le Kansas, je sais plus, un des deux états. Et en hiver, il faisait très froid, donc on mettait une grande bassine avec du kérosène et on allumait pour réchauffer un peu la salle. Une bagarre a éclaté et quelqu'un a renversé ce bac avec le kérosène et a enflammé le Twist en question, le club. Et tout le monde est sorti et à un moment donné, B.B. King a dit ma guitare. Il est rentré dans les flammes, recherchait sa guitare. Bon, la légende dit qu'après qu'il soit sorti, le bâtiment s'est effondré. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Chose est-il qu'il a demandé pour quelle raison cette bagarre avait éclaté. On lui a dit que c'était pour une fille qui était d'un club voisin qui s'appelait Lucille. Il a dit à partir de maintenant, toutes mes guitares, je les appellerai Lucille. Deuxième question spéciale, Georges Lang. Si aujourd'hui on vous dit d'arrêter la nuit, on vous propose une émission la journée en direct, vous dites quoi? Je réfléchis, je dis pas non tout de suite, ça va me poser un sérieux souci parce que 42 ans de vie nocturne, c'est 42 ans, c'est ma vie. J'ai des auditeurs qui me disent je vous ai écouté quand je faisais mes études et là je vais prendre ma retraite, donc vous m'avez accompagné toute ma vie. Donc je ne dirai pas non, mais je réfléchirai, je poserai des conditions. Si je peux faire ce que je veux en matière de programmation musicale, ça risque de le faire. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Ah, ça c'est une question piège. Alors je vais pas répondre pour fâcher personne, ni mon patron, ni ceux d'en face. Je vais dire Radio Luxembourg anglais et les radios pirates que j'écoutais, puisque j'étais dans le nord de la France et je pouvais les entendre. Quelle radio vous réveille le matin? La mienne. Quelle radio vous endort le soir? La mienne. Parce que quand je range mes affaires, j'écoute Laurent Ruquier et les Grosses Têtes, et ça me fait du bien. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? En voiture, permanence. Et un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Un endroit où je ne l'écoute jamais, peut-être quand je dors. Parce que 4h30, j'en ai un peu marre de la musique et j'arrête tout là. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un seul à retenir? Ça, c'est la question piège. C'est peut-être le jour où j'ai été réintégré à RTL, le jour où on a fait une fête pour manifester le contentement de tous les collaborateurs d'RTL. C'était pour les 30 ans des Nocturnes, oui, c'est ça. Et on m'a fait la fête. Et mes enfants étaient là et tout le monde a parlé. On a fait la saga Georges Lang et je dois dire que j'étais assez surpris. J'ai trouvé ça magique et j'avais du mal à retenir mes larmes. Oui, parce que donc, comme vous le disiez plus tôt dans l'émission, donc en 2000, la direction demande donc à vous, à Philippe Bouvard et également à Fabrice donc d'arrêter ces programmes. Comment vous avez vécu ça a duré combien de temps déjà avant qu'ils vous réintègrent? Ça n'a pas duré trop longtemps. Ça s'est arrêté avant les fêtes de fin d'année et ça a repris à la fin du mois de janvier. Et j'ai pas vu le temps passer. Et si vous me demandez si j'ai eu peur de me retrouver au chômage, non, parce que je sentais qu'il y avait une possibilité pour moi de revenir, parce que la personne qui m'avait écarté avait été écartée elle-même, et que ceux qui avaient pris la succession de la direction m'aimaient beaucoup. Et je dois dire, je vais les nommer d'ailleurs, c'est Robin Leproux, qui était par la suite directeur, patron du PSG, qui est un homme de radio, qui était à M6 aussi. Et lui, il est venu, Rue Bayard, patron d'un des programmes, et il a dit, faut remettre langue, faut remettre Bouvard. Et je le savais, j'avais des bruits de couloir à Luxembourg. Question vraiment de curiosité pure. On vous a appelé, d'autres radios vous ont appelé le jour où RTL vous a dit d'arrêter? Personne ne m'a appelé. Moi, j'ai appelé tout le monde, mais personne n'a donné suite. Personne. Le pire souvenir de radio, s'il y en a qu'un, et si vous voulez le dire? Oh, c'est quand j'ai démarré. Quand j'ai été faire une interview, je ne sais plus quel artiste, et que je me suis aperçu que finalement mon nagra, parce qu'à l'époque c'était des nagras, était chargé avec une bande où il y avait plein d'amorces, et que j'avais une interview hachée avec des moments où on entendait mon invité et d'autres où il y avait rien, parce que c'était de l'amorce. Qu'est-ce que c'est de l'amorce? C'est de la bande jaune ou rouge pour mettre entre deux moments d'interview, quoi. Et alors, ça a été horrible pour moi. Comment vous avez géré alors ensuite cette interview à mettre à l'antenne? Rien, j'ai rien géré du tout, il n'y a pas eu d'interview à l'antenne. Un autre souvenir drôle, c'est pas le pire mais sympa, c'est quand j'ai interviewé George Harrison à Londres et que mon agra, peut-être un autre, pas le même, est tombé en panne. Et George Harrison, avec son flegme habituel, a dit « George, I think that your tape recorder is not working anymore ». Et j'ai regardé, c'est vrai que ça marchait plus. Il a sorti un couteau, c'était chez lui dans sa cuisine, je me rappelle très bien. Il a réparé mon nagra. Ça, c'est une anecdote. Hein. Le nagra réparé par l'un des Beatles. Ça, c'est classe. Si vous aviez un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio aujourd'hui? D'être soi-même, de ne pas chercher à imiter un autre. On a tous des maîtres, j'en ai encore, mais ne pas essayer de faire comme eux. S'en inspirer, mais vraiment avoir sa propre personnalité à l'antenne. La radio, c'est simple, c'est un micro et des disques, c'est tout. Le reste, c'est vous. C'est le talent ou la vocation ou l'envie de réussir qui vous pousse, mais c'est pas le fait de vouloir être le nouveau Michel Drucker, le nouveau X ou Y. Non, non. C'est faire ce qu'on peut faire avec ses capacités, avec sa voix, et faire en sorte que l'on partage un programme musical avec ses auditeurs. C'est important, le partage. On fait pas de la radio pour soi, on fait de la radio pour ceux qui nous écoutent. Je vais terminer cette émission. Le 15 juin prochain, vous sortez un coffret. Alors, vous sortez quoi comme coffret? Qu'est-ce qu'il va y avoir encore dessus? Ben, c'est la 6e compilation. Celle-ci s'appellera Beach Party. C'est donc une émission qui sera... C'est donc une compilation qui sera en quelque sorte un disque qui permettra de se souvenir de ses vacances. Quand on est de ma génération, c'était important, les Beach Boys, Elvis Presley, les Platters, tout ça. Et la nouvelle génération veut savoir ce que c'est que la musique des années 60. Là, ils seront servis à 112 titres. Eh bien, écoutez, on attend le 15 juin pour la sortie de ce coffret. Je vais vous remercier, Georges Lang. Pour tous ceux qui ne dorment pas ou qui veulent absolument écouter la voix qui subjugue, hein, vraiment, de Georges Lang, c'est une émission qu'on peut écouter en direct, qu'on peut écouter en replay. Moi, là, ça y est, j'en ai réécouté une ce matin. Et voilà, même en pleine matinée et en plein jour, ça m'a transporté vraiment, Georges Lang. Alors, merci. Continuez encore longtemps, j'espère. On peut vous écouter donc entre 23h et 3h du matin. Évidemment, vous retrouvez toutes les infos sur le site de RTL. Merci beaucoup à vous et écoutez, à bientôt sur Fréquence Protestante. Merci beaucoup, Georges Lang. Merci à vous.